écoutez, vous ne savez pas encore, vous écoutez la télévision, puis vous comptez les chiffres. Et puis, ah, ben tiens, c'est 1000 piastres. C'est quoi 1000 piastres? Ah, 10 000 piastres. Bon, on regarde l'autre chiffre. Ah, ben c'est gros là. 7 800 000. Ah, ben c'est bon. On va voir le complémentaire. Ben, écoute, je vais regarder. Ah, ben je l'ai pas. Ah, ben c'est pas grave. Ça va changer un peu la même. Bon, bien, je vais faire les billets convenablement. Puis lundi, je vais aller chercher mon marché. Et puis, on reste là. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant à l'horaire à la télévision après ce tirage? Ben, qu'est-ce que tu dis? Il y a cela, il y a cela. Bon, ben, je vais tout ça. On peut manger le coucher. C'est comme ça que l'homme nouveau va vivre. Et c'est comme ça que l'humain devrait vivre. Qu'est-ce que ça fout qui se met à crier, qui se met à changer, qui se met à avoir des problèmes digestifs? Si les Garcia qui vont mourir! Et il n'y a pas plus dormir la nuit. Il n'y a pas besoin de sommeil. C'est pas parce que l'être humain gagne 7 millions qu'il n'a plus besoin de sommeil. Il a besoin de sommeil. Alors, qu'il est plus cher. Et qu'il dort. Non, l'homme ancien ne peut pas faire ça. L'homme ancien était sujeté à la projection des désirs de son égo. Dans un monde qui ne vit que de réalité. Et lorsque, à part la réalité rentre en affinité avec ses désirs conceptuels, c'est le bonheur. Il crie. Il est content. Il téléphone. Après, il faisait du tam-tam. Il peut partager son bonheur avec autrui. Ouais. L'ego veut tellement s'exprimer que le corps ne peut pas en supporter plus, alors il faut bien que d'autres le supportent pour lui. Alors il téléphone, il fait partager. Et là, tout le monde est content pour lui. Imaginez-vous, vos corps physiques sont en train de se détruire pour l'autre. Je suis heureux pour lui, ou je souffre pour lui. Belle aventure de l'humanité. Mais oui, mais il y a la leucémie. Souffrant. C'est lui qui souffre, pas toi. Oui, mais si t'es humain un peu, tu peux pas rester indifférent. T'es-tu médecin? Non. Si t'es pas médecin, reste indifférent. Tu peux pas rien faire. Mais la personne humaine, émotive, elle broye au chevet de l'enfant. Faut bien que l'enfant sache que sa maladie est tellement grave que d'autres qui ne l'ont pas souffrent aussi. Pierre s'en va broyer ailleurs, à l'église, va dire aux autres comment qu'elle souffre. Elle n'en dort plus. Elle fait un cancer à ça. Pauvre! Pauvre enfant! Mais oui, ça l'occupe! Elle détruit son corps. Ça ne change rien au niveau pathologique de l'enfant. Ça ne change rien au niveau de sa culture ou de sa mort. Mais l'humain, d'être un humain, parce qu'il est capable de souffrir, quand il n'y a pas une mauvaise raison pour souffrir. Moi, je suis humain, moi. Quand je vois une photo à travers un journal, je souffre. Moi, je suis humain. Quand je vois quelque chose d'heureux, je broye de bonheur. Moi, je suis humain. Félicitations. C'est un peu comme si vous vous disiez l'animal n'a pas la faculté de manger un peu de poison tous les jours pour pouvoir se dire que c'est lui qui va déterminer le jour de sa mort. Mais l'homme, il est supérieur parce qu'il a la faculté d'empoisonner sa vie, de détruire son corps quotidiennement un peu plus et de pouvoir prétendre ainsi que c'est lui qui mène sa vie. Et que c'est lui qui a un lieu parfait. Moi, je fume parce que j'ai décidé que je fumais. Moi, je suis en colère parce que c'était une colère juste. Si tu décides d'être en colère, ben oui, si elle n'a pas fait ça, c'est ça que je vous dis. Ce sont les conditions extérieures qui manipulent l'homme et qui déterminent ses émotions.